Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. On n'y a pas parlé de l'année, mais là, finalement, on va prendre un peu de ces nouvelles. La saison de les Canadiens de football achève à très, très grand pas. En fait, c'est le dernier match en fin de semaine. Et on va parler avec Shane Gauthier de Dolbo Mistassini, puis savoir qu'il est à sa troisième saison dans la Ligue canadienne de football. C'est une question de savoir un peu comment ça va. On lui parle. Salut, Shane! Salut! Shane, d'abord, comment ça a été ta troisième saison? J'imagine que là, tu dois commencer à prendre ta place dans l'équipe, troisième saison, puis tu étais sur une unité spéciale, Texas, une unité spéciale, mais j'imagine qu'on t'a fait jouer à ton espace, à ta position naturelle aussi. En fait, c'est ma quatrième année. Quatrième année déjà, je pensais que c'était la troisième année. C'est quatrième année, OK, c'est bon. Ça va vite? Oui, ça va très vite, puis... Mon rôle a resté très important au niveau de l'unité spéciale. J'ai fait mon premier jeu à la défense de ma carrière la semaine passée aussi. Okay. Mais mon rôle principal reste tout de même seulement sur les unités spéciales principalement. OK, parce que là, il faut dire que c'est pas mal stédé du côté. Ben là, vous êtes avec Calgary également, vous bataillez avec Calgary. Vous avez terminé votre saison. Calgary joue en fin de semaine à BC, donc ça va pas mal déterminer qui va être la première position. Mais ça a été... C'est la deuxième position. C'était quand même une année. Ça avait bien commencé pour les Bombers, mais la deuxième moitié, est-ce que je me trompe ou que c'était plus difficile? Oh ben avec le changement de carrière, ça a été un petit peu en montagne russe, je dirais. On est devenu une équipe qui bataillait beaucoup dans ces matchs, mais qui n'était pas capable nécessairement d'aller chercher les deux, trois jeux qui manquaient pour peut-être gagner les matchs. Donc, ça a été plus difficile, mais je pense qu'on a retrouvé notre rythme dernièrement, puis je pense qu'on est sur une bonne lancée pour entrer dans les séries. OK. Du côté de Chris Taveler, il me semble qu'il avait connu une bonne année. Non? Il n'a pas connu une mauvaise année. Ouais. Il a joué à la hauteur qu'on s'attendait, je pense. Il a fait des bons matchs. Il a couru fort. Mais il y a un style de jeu très particulier qui fait en sorte que c'est rough pour le body. Mais non, il y avait une bonne saison jusqu'à présent. Ouais. Je pense qu'il a encore toutes les chances de jouer éventuellement pour les plus tard. Là. Est-ce que tu penses, c'est sûr que la demi-finale de l'Ouest, ça va dépendre du match. Calgary joue à BC en fin de semaine. Les Lions qui jouent beaucoup mieux en deuxième moitié de saison. Est-ce que, venant à l'égalité, est-ce que là, vous avez 22 points, le différentiel, c'est qui? Que le match est à Winnipeg ou le match est à Calgary? Si que il y a encore tellement de possibilités. Ouais. C'est tout dépend. En gros, si Calgary gagne en fin de semaine, on va jouer à Calgary. Oui, parce que Calgary a 24 points. Puis si Calgary perd et Saskatchewan gagne, là, on jouera à Winnipeg. OK. OK. Donc, ce sera quand même intéressant de voir. Toi, as-tu une préférence sur Calgary ou as-tu une préférence pour Calgary? Il va falloir jouer toutes les équipes de toute façon. Oui, OK. Nous, on va jouer une semi-finale. C'est assuré. Donc, peu importe c'est qui... je pense qu'on est prêt pour ça. Là. OK. Si on parlait un peu du côté des... du côté de ton adaptation à Winnipeg, quatrième année, donc là j'imagine avec les vétérans et ainsi de suite, la ville, tu connais bien la ville et ainsi de suite, là. Pas de problème de ce côté-là. Bon, oui, quand je suis ici, c'est mon deuxième chez nous, en fait. Je suis là 6 mois par année, fait que j'ai tous mes petits spots et mes routines que j'ai, là, fait que ça va bien. Là. OK, OK. C'est ça, ça enlève du stress pas mal. C'est sûr que c'est pas comme la première moitié de la première année où tu parlais pas anglais, puis ainsi de suite. Là. Non, c'est ça. Là, c'est rendu normal. Okay. Le train de vie normal. Ben, Shane, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je vois que ça va quand même très, très bien pour toi à Winnipeg. Au plaisir de se rencontrer. Puis, évidemment, la saison est terminée pour toi. Vous allez certainement voir le téléviseur puisque Calgary est à BC en fin de semaine. Donc, ça va être intéressant de savoir de suivre ça. Oui, c'est certain. Shane Gauthier de The Boom Sissonnais qui s'aligne avec les Bombers de Winnipeg.